Je me suis retrouvé dedans sans le vouloir. On s'entraîne la nuit, faut pas se perdre dans le trou noir. On joue sans protection, se bouscule dans l'entonnoir. Les étonnés soirs, je les remplace, on soit retard. Ça continue la pression, comme si les keufs voulaient vivre avec moi. Ça continue de fumer en première classe. Continue de vouloir mon fion, estorquer mes fonds. Donc je continue à les traiter de sale race. Ils continuent à nous prendre pour des cons. J'ai toujours mon rap tenace, ma vérité efficace. De quoi je me plains, si on a les tremplins. Plein de tours pour jeter dans le vide bien. Ils continuent de flipper parce qu'on continue d'avoir faim. Flo rasoir, je donne tout, peut-être demain je pourrais me rasseoir. J'avais pas demandé à jouer, mon cœur veut pas tricher. Je joue les prolongations, s'ils veulent pas lâcher. Pourquoi moi je devrais, on continue, continue. J'avais pas demandé à jouer, mon cœur veut pas tricher. Je joue les prolongations, s'ils veulent pas lâcher. Pourquoi moi je devrais, on continue, continue, on continue. Déjà 24 piges, j'ai pas trouvé d'autres pistes que dealer l'énergie avec amour et franchise. Continue leur bêtise, après ils s'étonnent, personne s'internationalise. Mon dégoût se perpétue comme les galères de la mère patrie. Prolonge comme nous l'esprit, pas vu, pas pris. Toujours il pleut comme si avait quelque chose à laver ici. Effacer ici, bambou la paix au moins laver ses slips. Combien de temps je vais durer ici, résister ici comme nos parents et leurs sciatiques. Mon héritage au trésor public, tous du même skeg, nique les pudiques. Ils continuent de rien comprendre, on continue de s'éloigner. Se manier pour plus attendre personne, je persiste. Résiste au maximum, ça ressemble à rien, soldat qu'abandonne. J'avais pas demandé à jouer, mon cœur veut pas tricher. Je joue les prolongations, s'ils veulent pas lâcher. Pourquoi moi je devrais, on continue, continue. J'avais pas demandé à jouer, mon cœur veut pas tricher. Je joue les prolongations, s'ils veulent pas lâcher. Pourquoi moi je devrais, on continue, continue, on continue. Y'a rien qui change, sinon plus de béton et nous un jeune warrior. Y'a rien, sinon mes songes continuels pour savoir comment niquer le monde. Les yeux rivés avec mes rêves sur mon plafond. Pour le voisin du dessus, c'est son parterre. Sa mère, je mets trop de temps pour rembourser la matière. Je respire mal, j'ai dû trop fumer à la pause. Dans les temps de la mort subite, est-ce que tu crois que je m'amuse? Je suis pour payer l'arbitre, la vérité c'est pas possible. Tête tout le temps solide, je suis comme eux. J'attaque chaque fois que j'ai peur, chaque toit des Porsche abrite. Ce que la merde sait faire flipper, l'air frippé. Par leur terre flic et torche au mic quand ils perdent briques et perspicace. Comme cette sotte envie d'être friqué. Tête qui sait d'être piqué dans la zèbre pour voir la merde en vert en vrai. La vie oubliée de me faire rêver. Depuis je rêve de ce cauchemar, leur juge j'avoue en privé. Ça me fait brûler tout sans tiep dans mes débuts d'écrivain. Je donne ça entre gris et vert, massif. Rage fuel dans le système, l'huile dans le shit mat. Comment la feuille transpire même. Lève la main que je te pas shit. Beat ma shop, flow machette, F du phénomène au mic.